Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Que nous réserve 1994 ». Je suis Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lasserte, policier et homme d'affaires. Et bonne année. C'est ça qu'on va savoir, c'est bon. Ah ben. Bonsoir, Daniel. Ça serait plus facile de faire « Que nous réserve 93 ». Mais finalement, est-ce qu'elle nous a réservé ce qu'on avait dit? Dans ce qu'on avait sorti le janvier dernier, pour la majorité des choses, sinon même la 100% de ce qu'on avait dit est arrivé. On avait parlé évidemment plus sur le point de vue psychologique, point de vue énergétique. Il y a effectivement des choses chez les gens qui se conscientisaient qui ont changé énormément dans le sens où on avait dit. 94, pour parler de 94, il faut parler de 91. C'est quoi le lien? Voilà. J'attendais la question. Est-ce qu'en 91, tu avais fait des prophéties pour 94? Bon, c'est... Oh, prophéties, non. As-tu déjà fait des prophéties? Ouais, une fois, puis je me suis ramassé une fausse. Que... Mais qu'est-ce qui est arrivé en 94? C'est ça. Pour expliquer ce qui est arrivé en 94, il faut expliquer de quelle façon ça arrive les choses. Bon, premièrement, les gens parlent de la réincarnation souvent. Les gens, certains savent que la réincarnation existe parce qu'ils savent clairement très bien ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. La majorité y croit. Et par contre, ce que les gens ne savent pas de la réincarnation implique nécessairement un mouvement dans le temps. Et le mouvement dans le temps, c'est une chose qui n'est pas comprise par l'être humain, parce que l'être humain a l'impression de vivre dans un moment présent. Alors que le présent est totalement impalpable, l'humain n'est pas capable de saisir un moment présent. Tout ce qu'il sait, c'est que ça l'a été et que ça va probablement venir. Alors, si tu regardes l'aiguille des secondes qui bouge, bien là, elle n'est jamais là où tu la regardes. Et si tu dis, oui, là, elle ne bouge pas, mais tout ce que tu as vu dans le passé. Alors, l'humain, le présent n'existe pas réellement, ce n'est pas... on prend une photographie, la photo saisit le moment du passé. Quand on regarde une photo, ça date toujours, ça représente le passé. Est-ce qu'on se dirige vers une période où on va le saisir, le présent? Ben, il faut s'entendre. Est-ce qu'on se dirige vers... Les gens savent qu'ils peuvent se diriger dans l'espace. Donc, je peux partir d'ici, je peux m'en aller là-bas. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se dirigent aussi dans le temps. Ils partent d'ici et ils s'en vont là-bas. Et là-bas, ils appellent ça le futur. L'être humain, au fur et à mesure que l'être humain va se conscientiser, l'être humain va découvrir d'autres mécaniques du temps et sa vision spatiale va changer, sa vision temporelle va changer, et il se rendra compte qu'il peut aller là-bas dans le temps, ou là-bas dans le temps, ou là-bas dans le temps. Présentement, l'humain peut, avec un véhicule qu'on appelle le corps physique, aller dans une direction temporelle qu'il appelle le futur. Avec un véhicule qu'on appelle l'astral, qu'on appelle la psychologie, l'humain peut aller là-bas dans le temps. Et on appelle ça le passé. Sauf que l'humain a aussi la capacité, par l'utopisation, avec son véhicule psychologique, d'aller dans le futur, mais d'aller là-bas, dans le futur. Mais il y a aussi des gens qui ont été dans le futur par l'hypnose. La même chose, véhicule psychologique, le corps astral. Non, mais c'est parce que tu disais dans le passé, mais il y a aussi dans le futur. C'est ce que je viens de dire. Ils peuvent aussi, par l'utopisation, ben, finalement, aller dans le futur. Sauf que le futur, ce n'est pas là-bas. Le futur, c'est là-bas, là-bas, là-bas, c'est là-bas, ça. Est-ce là-bas, que, là-bas, est-ce que là-bas, le futur où on va aller voir sous hypnose, ça va être celui dans lequel on c'est va se un retrouver? Futur. Non, mais ça peut être n'importe quel. Non, mais c'est la même chose ça que... Ça peut être n'importe quoi, finalement. C'est quoi? C'est ça. C'est quoi la réalité? Un instant. C'est la réalité. Mais ça dépend de qui. Ben oui. Non, mais juste avant, c'est parce que c'est la même chose que dans des lieux. On est ici dans la salle. Je peux aller là, je peux aller partout, alentour de moi. Mais je suis au Château Royal. C'est la même chose. On n'a qu'à décider où on va aller dans le futur. Exact. Là, présentement, tu es au Château Royal, sauf qu'il y a plein de gens qui se disent, qui vivent, selon eux, la même victoire et qui ne sont pas au Château Royal. Dans l'espace, les gens peuvent être à plusieurs endroits, mais dans la mécanique humaine, tu peux être exactement au même endroit dans deux temps différents. Tu ne peux pas être assis sur la même chaise dans le même temps. Ou on peut être au même endroit dans deux temps différents. On peut être assis à la même place, mais à 2 heures d'intervalle. Sauf que l'humain, pour comprendre ce qui va arriver en 94, ce qui arrive en 95, ce qui arrive en 96, Et pour plusieurs, la majorité des êtres humains sur la planète connaissent le futur, connaissent leur futur. Et ils le connaissent très, très, très, très, très bien. Très bien. Et alors que la minorité des individus sur la planète ne connaissent pas leur futur, mais connaissent le futur des autres. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire que 80% au minimum des gens se réincarnent dans le futur, là-bas, que l'humain appelle le passé. La majorité des êtres humains ne se réincarnent, dans l'histoire. La majorité des êtres humains, quand ils lisent un livre d'histoire, ils connaissent leur futur. Ils connaissent le futur des civilisations. Mais pourquoi tu dis futur? C'est qu'ils connaissent leur passé. Mais non, c'est pas leur passé, ils l'ont pas vécu. C'est ce qu'ils vont vivre. Ils s'en vont au Moyen-Âge, les autres. Oui, ils s'en vont au Moyen-Âge, c'est ce qu'ils vont vivre, eux autres. Non, un instant. C'est parce qu'il y a des cycles qui vont en arrière, c'est ça. C'est toujours un éternel recommencement. Non, il y a des gens qui arrivent de par là-bas et qui s'en vont par là-bas. Par là-bas, mais par là-bas, c'est où? C'est le passé? C'est leur passé. Ça peut ressembler à ton futur. Je comprends pas. C'est simple. Il y a des individus qui sont braqués vers le futur, il y a des individus qui sont braqués vers le passé. Il y en a qui sont pour le changement réel, quelque chose de neuf, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui ne vient pas, qui ne traîne pas la tradition avec eux. Et il y en a d'autres qui ont un besoin immense, un besoin interne, un besoin absolument cosmique, de s'en aller vers ce que nous appelons le passé, ce que tout le monde appelle le passé, mais ils aiment le prochain temps là-bas. Ils auraient aimé vivre à telle époque, à telle époque, à telle époque. Ce sont des gens qui vont refuser la robotique. Les gens résistent. Oui, mais c'est pas plutôt... C'est leur futur. Mais ils arriveraient du futur, eux autres. Ils arriveraient d'une place où tout le monde est heureux. Oh, pas nécessairement. Ils arrivent d'un autre futur, mais ils s'en vont dans le passé. Bon. Tout ça pour comprendre... Ben là, si c'est... Mais dans ma conscience, à moi, quelqu'un qui vient du futur aurait le goût du futur et non pas de retourner dans un endroit où à mon avis, c'est pire. Le passé, t'as moins de technologie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand tu veux rentrer un système informatisé quelque part, les gens ne veulent pas. Oui, mais je serais plutôt porté à penser. Quand tu veux rentrer dans la robotique, dans l'industrie, les gens ne veulent pas. Mais tu ne vas pas me dire que ces gens-là viennent de l'avenir, là. Ils sont tournés vers le passé, en tout cas. Bon. Vous voyez, le gros problème quand on parle du temps, c'est que, par exemple, François est spirituel présentement, c'est-à-dire que François est convaincu que le futur ne ressemble qu'à une seule chose, et cette chose-là doit lui plaire, et c'est le futur. Donc, les gens, s'ils viennent du futur, ne peuvent venir que de son monde à lui, et il ne veut pas en déduire que de son monde à lui, les gens n'en veulent plus. Mais je le comprends, François, moi. Sauf que les gens viennent du futur, et ils ne viennent pas nécessairement du monde à François. Donc, François, pour comprendre ce que c'est que le temps, ne doit pas émotivement s'associer à sa vision et ne doit pas s'impliquer émotivement dans la structure, parce que là, au lieu de comprendre une mécanique, il va défendre une position. C'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur que l'humain va faire dans la majorité. Si vous pensez que c'est mieux là-bas pour vous autres, vous interprétez que tout le monde devrait voir la même chose. C'est ça. Donc, les gens, quand même, si c'est bon comme c'est... Tu me fais penser aux ceux qui sont dans les sectes ou encore à l'ex-Union soviétique, qui disait simplement, c'est tellement bon ici que le monde, ils ne veulent pas s'en aller. C'est parce qu'on les kidnappe s'ils disparaissent du pays. Non, c'est pas ça. Le futur n'est pas... Regarde, même... Bon, il y a plusieurs savants qui ont déjà dit que dans l'avenir, il y aurait probablement une troisième guerre mondiale, puis il y aurait ci, puis il y aurait ça, puis il y aurait ça. Et finalement, les gens finiraient par vivre à l'époque de l'âge de Pierre. Bon, Pierre, c'est un gars, ça, dans la Bible, là. Bon, l'âge de Pierre. Et la majorité des individus se réincarnent dans leur futur, et ce futur-là, il est connu. Maintenant, à l'inverse, il y a des individus qui connaissaient leur futur à eux, et ils en ont fait des prophéties. Ils ont écrit des livres d'histoire que ceux qui pensent, tu sais, c'est comme mélanger les choses, là, mais ceux qui pensent que leur futur est leur passé, ont pensé que ceux qui prophétisaient parlaient du futur, alors que ceux qui prophétisaient parlaient de ce qu'eux avaient vécu, de ce qu'eux allaient vivre, leur futur à eux, mais pas le futur. En tout cas, bref, moi, je vais vous dire ce que je veux dire. Parce que là, à un moment donné, là... Ça veut dire que la... Résumé, c'est que ça veut dire que la majorité des gens viennent de l'avenir et... En fait, c'est le passé. Ça veut dire que les gens connaissent leur futur. En majorité. Parce que ça se trouve être notre passé. Non! Mais moi, je trouve que c'est compliqué, les affaires. Tu connais ton futur, puis ton futur, tu l'appelles le passé. Voilà. Alors, lorsque le prophète parle de... Oui? Ben, le mot passé. J'arrive de là, là. C'est pas le futur. Non, non, t'arrives pas de là. C'est ce que tu vas faire. Tu parles de mon corps physique ou de ma conscience? C'est fait. C'est fait. Si je réincarne quelqu'un d'autre, par exemple... Prenons maintenant un prophète qui dit, en l'an 2000, il y a une guerre catastrophique. Pour lui, c'est fait. Et tu dis, mais ça, c'est le futur, c'est pas fait encore. Bon, mais pour la société... Lui, il va te dire, écoute, le grand, c'est fait, c'est fait. Oui, mais pour l'humanité, ouais, mais dans à qui notre il réalité, s'adresse, non? C'est pas fait. Non, sauf que l'humanité arrive de là. Mais l'humanité ignore le passé, l'humanité connaît son futur. Là, ça veut dire que nous, 94, on sait ça, 95 aussi. On s'en va en 93. OK, on recommence à zéro. C'est là, là. C'est le temps, là. On va te donner une chance. Avance! Gentil. Non, mais peut-être qu'on va comprendre dans 5 minutes. Tu arrêtes pendant 5 minutes, je vais vous laisser le temps mijoter un peu. Quand on parle du temps, on parlait de 94, quand on parle du temps, on parle de quoi? Il y a un espace-temps. Un espace-temps, ça veut dire que c'est effectivement une dimension que nous percevons sous 4 facettes. Dans les 4 facettes, il y a ce qu'on appelle le temps, il y a la profondeur, la hauteur, la largeur. Dans certains cas, l'épaisseur. Bon. L'espace-temps. L'humain peut... Il y en a qui font l'air pas mal. En tout cas. Je vais rester poli. Bon. L'espace-temps. On a l'habitude de se déplacer dans la matière en hauteur, en largeur, en longueur, et on se déplace dans le temps vers ce qu'on appelle le futur, c'est-à-dire vers une seule direction temporelle. Et pour l'être humain depuis tout le temps, c'est obligatoire, c'est inéluctable, on ne peut pas revenir là-dessus. Quand une chose est apparemment faite, c'est fini. Alors que l'être humain vit dans le temps d'une autre façon, sauf que l'humain n'a pas les senseurs, il n'a pas la conscience, il n'a pas la structure émotive et psychologique pour être capable de comprendre et d'admettre. Certains décodent les mécaniques du temps, mais ils ne veulent pas les admettre. Bon, tous ceux qui ont étudié la mécanique du temps se sont rendus compte qu'on était dans une illusion majeure. Ils ont parlé d'un monde d'illusion. Mais les gens ont appris que c'est un monde d'illusion. Ça, c'est une réalité. Et n'ont rien compris. Quand on comprend la mécanique du temps, on comprend aussi la façon de voyager dans le temps. Voyager dans le temps, ça veut dire être capable de se rappeler, de se remémorer. Mais on peut voyager dans le temps pour se remémorer un événement qui est arrivé lorsque vous aviez 7 ans. Mais si cet événement-là est un événement douloureux pour vous, vous pouvez, avec l'aide d'un voyageur dans le temps, qu'on appelle peut-être un psychologue, un thérapeute, voyager dans votre passé et là, aller découvrir que ce que vous pensez qui vous est arrivé, ce n'est pas ça qui vous est arrivé. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de partir d'un point, on est allé dans le temps que l'humain appelle le passé, mais ça existe là tout de suite en même temps. On est allé dans un passé et là, vous voyez à 7 ans qu'il vous arrive une chose et ça ne vous va pas. Vous repartez avec un thérapeute, vous allez dans le passé. Mais ça donne que vous allez dans un passé qui est différent. Et là, vous allez voir clairement la réalité. Et là, vous allez revenir en disant, c'est drôle, hein? Tout le temps, j'ai pensé qu'il m'était arrivé ça. C'est ce qu'on se fourrait. Il t'est arrivé ça là. Il t'est pas arrivé ça là. Ici, tu t'es fait tuer. Ici, tu as gagné 1 million, tu avais 8 ans. Ici, tu as perdu ton 50 piastres, tu avais 8 ans. Et les passés, il y en a une infinité. Oui, ça je comprends. Oui, mais parce que je l'ai déjà expliqué, vous l'expliquez aux autres. Oui. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans cet exemple-là, c'est que moi, je m'en vais, là, je ne retrouve pas un corps d'une petite fille de 7 ans. Voilà. Je parle de réincarnation. Tu viens et bloc. Oui, OK. Je ne parle pas de toi en plus. Bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes deux individus, vous avez vécu le même événement. Trois ans après, si vous voulez le compter, vous avez vécu deux événements différents. Et en plus, vous pouvez vous abstiner. C'est clair en tabarnouche. C'est clair, ce que vous avez vécu. C'est l'autre qui n'a pas de mémoire. Tout ça parce qu'on pense que le passé mémoriel auquel on va s'attacher fait partie d'une réalité unique. Alors que c'est faux. Il y a autant de passés qu'il y a de secondes. Il y a autant de passés qu'il y a d'arbres de feuilles dans les arbres. Il y en a énormément. Alors ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'au fur et à mesure qu'on glisse dans le temps, mais de temps en temps, il y a des êtres humains qui vont rectifier des mémoires du passé pour s'inventer un passé noir. D'autres vont rectifier leur structure du passé, là où ils regardent, pour s'inventer un passé plus blanc. Et il y en a d'autres qui vont rester dans un passé plus ou moins blanc. Les gens vont dire, écoute, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis un être normal. L'autre là-bas a fait ça parce que je me rappelle que tout le temps de sa jeunesse, elle chialait tout le temps, puis elle me dit qu'elle était heureuse quand elle était jeune. Normal, anormal, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas un humain sur la planète qui peut prouver que ce qui s'est passé il y a 30 secondes, c'est passé. Et ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre pour être capable d'envisager ce que vous appelez votre futur d'une façon utilisable, efficace. On va en parler. Le passé, il est multiple. Et le futur, à partir du point temporel qu'on appelle le présent, bien, le futur, il est lui aussi multiple. La vision des futurs multiples a engendré l'idée émotive dans la conscience de plusieurs humains qu'avec une pensée positive, tu pouvais changer ton futur. La pensée positive se rapproche de ce que moi j'appelle l'utopisation. L'utopisation, évidemment, ça ne concerne que les êtres qui se conscientisent, qui ont aucune conscience, qui deviennent écologiques, qui deviennent transparents, qui sont intelligents. Ce sont des êtres qui veulent du mieux. Les êtres qui en veulent un futur de guerre n'utopisent pas. Bon. Utopie vient d'Utopia, n'est-ce pas? Un bonhomme qui a écrit un livre sur une cité extraordinairement modèle à l'époque, et puis tout le monde finalement a amené l'utopie, a décidé que l'utopie voulait dire quelque chose d'irréalisable parce que trop parfait. Bon. Mais il y a des futurs très parfaits. L'être humain qui envisage différents futurs peut se faire instruire par la psychologie humaine que si tu penses positivement, évidemment, pour ça être l'effet, il faut qu'on parle anglais. Tu sais, si tu think positive, là, c'est pas un loser, si tu es un winner, bon. Parce que quand on parle en français, en québécois, il faut rien. Bon. Alors, on le dit en anglais. Les individus ont appris progressivement que s'ils pensaient positivement, ils pouvaient influencer leur futur. La problématique, c'est que c'est une vision psycho-émotive d'une mécanique réelle du temps. Sauf que vu qu'elle est appliquée sans compréhension de la mécanique du temps et sans conscience de la mécanique du temps, elle peut, ça donne, avoir un certain effet et elle peut ne pas avoir d'effet. Ce qui fait que, dans la majorité des cas, la pensée positive a réussi à détourner légèrement l'individu d'un futur qui était aligné par sa vision du passé. Tu penses que tu es né pour un petit pain, donc tu vas continuer à vivre pour un petit pain. Et parce que tu penses positivement, tu commences à dévier du petit pain, tu dévies du petit pain, et à un moment donné, tu reviens dans le petit pain. L'être humain qui comprend très clairement la mécanique de la gestion de son ego, de son astral, de ses mémoires, de ses émotions, de ses désirs, à travers la mécanique du temps, saura que s'il veut penser positivement, il doit penser positivement vers ce qu'il veut faire et il doit corriger en arrière et penser positivement ce qu'il a fait. Nécessairement, ça va le déconnecter d'une panoplie de mécaniques habituelles réservées aux êtres révolutionnaires, c'est-à-dire que ça va le déconnecter progressivement de la culpabilité, ça va le déconnecter astralement d'un paquet de canaux karmiques qui font en sorte que notre individu se vide et s'épuise, rectifier le passé et positiviser, rectifier le futur. Ça, c'est une démarche qui fonctionne très bien, à la condition que l'individu ne le fasse pas par croyance. Il faut qu'il comprenne, effectivement, que des mémoires que j'ai de mon passé, si à un moment donné, subitement, je me rappelle, ça me revient, on m'avait hypnotisé, là, puis à l'âge de 30 ans, pouf, je m'en rappelle clairement que je suis le fils d'un roi. Elle m'a changé en maudit. Là, c'est clairement le tabarnouche. Là, on vient, c'est une même. Je viens juste de me rappeler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et le roi a été exterminé par Adolf Hitler. L'histoire, tant que vous voudrez, puis ça va être parfait. Même que tout va s'organiser pour prouver. Ça, c'est ce qui va arriver à un moment donné en plus. Si je suis réellement positif dans mon passé, l'événementiel va même s'arranger pour accoter et supporter mon passé. Est-ce que tu es d'accord pour dire que on n'a pas de vie finalement, là, il n'y a pas de réalité qu'on vit. Mais non. Mais l'humanité, grosso modo, là, pense qu'ils vivent la même chose en même temps. Alors qu'individuellement, ils peuvent tous s'enligner différemment, ils peuvent venir de tous les endroits différemment chacun. Sauf que tout le monde est d'accord, il y a comme un consensus. Un consensus. Tout le monde s'entend pour dire qu'on vient du passé, tout établit les dates et tout ça. Sauf que les nations complètes aujourd'hui sur la planète Terre, puis elles se dirigent alors totalement vers ce que nous, on pense qu'on veut quitter. Il y a des nations complètes qui sont 100, 150, 200 ans, psycho-émotivement, sinon technologiquement en arrière. On parle de peuples de millions d'habitants. Et leur but, c'est de s'en aller encore plus en arrière. C'est leur futur. Mais c'est pas plutôt dire rester dans ce qu'ils sont, parce que retourner... Oui, mais leur présent, c'est dire sur 3 4 000 ans. Mais est-ce que 94, c'est un carrefour? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont par là, il y en a qui sont par là? À partir de 91. Ah bon. C'est ça qu'on parlait pour 91. Mais juste avant de te laisser aller plus loin, là, il y a un nœud du présent avec, dépendant des passés, ça va orienter différents futurs. Quand on parle de 1994 ou 1991, on parle de qui, là, de tout le monde? Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait parler individuellement à chaque personne parce que ça va être différent? Ça, c'est évident. C'est évident. Sauf que si tout le monde prend le même avion, tout le monde sera passé à la même place, tout le monde ne verra pas la même chose, tout le monde n'aura pas les mêmes soubresauts, mais grosso modo, le pilote peut dire à tout le monde la même chose. C'est raisonnablement vrai. Puis cet avion-là, c'est quoi? C'est notre monde? Non, je veux dire, c'est... National. Wow! J'embarque pas. N'empêche, il y a un jour, il y a 250 passagers qui ont manqué leur vol de nationaire parce que l'avion est parti à l'heure. Mais bon. Là, ça veut dire qu'à partir de ce que tu dis là, tu laisses entendre que le libre arbitre est près d'être vivable. Non, la liberté, pas le libre arbitre. Mais ça, on reviendra. Continuez avec le temps. Ça, on va manquer de temps. Voilà. On va manquer de temps pourquoi? Parce qu'on n'a pas de... C'est parti. Pourquoi? Bon, on va laisser faire les petits simples instants. Quand l'être humain pense ou parle d'imagination, pour l'être humain, souvent, il n'y a rien de plus con que l'imagination. On dit qu'il se fait des accroires. Bon. Mais l'imagination, les artistes, eux, se servent de l'imagination. Les savants s'en servent. Tous les créateurs de la planète s'en servent. Les écrivains, les pédagogues, les innovateurs, les écologistes, on se branche tout quelque part dans un monde imaginaire. Et de là, on va chercher de l'information. Mais pour l'être humain planétaire dans un corps de chair, c'est pas fort l'imagination. Mais vous êtes assis sur des chaises qui existent de par l'imagination des humains. Les automobiles existent de par l'imagination des humains. Les édifices, les bâtisses, le chauffage, tout ce que nous avons, comme toute la matière et toutes nos sociétés, ont été construites à partir de l'imagination, et la majorité des humains trouvent que l'imagination, c'est à peu près la chose la moins vraie qui existe. C'est la moins palpable, tu vois. Même pas, les gens sont dedans sans arrêt. Non, mais c'est comme l'air. Exact. On est dedans, mais... Ouais. Mais quand un ouragan astral, c'est la même chose. Hein? Quand tu es envahi par un paquet d'idées noires, tu as beau dire, c'est de l'illusion. Mais tu dors pas cette nuit pareil. Ça a des effets, sauf que c'est... C'est palpable. L'idée, c'est que quelque part, et ça je l'explique souvent aux séminaristes, c'est que l'être humain est totalement orchestré pour ne pas s'en sortir. Et toute l'instruction archétypale qu'il a, la vieille instruction que quasiment tous les humains de la planète ont, c'est inné. Puis après ça, on le renfonce par l'acquis, par l'éducation, la religion, etc. Il y a énormément d'engrammes anti-conscience. On ne veut pas que l'humain se réveille. Bon, c'est pas l'homme qui ne veut pas que l'humain se réveille. Et on ne veut pas que l'humain se réveille. L'humain se réveille quand même. À travers ça, il souffre un peu beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes capable de concevoir qu'il existe effectivement un autre monde que le monde de la matière, qui s'appelle celui de l'imaginaire, et l'imaginaire ne veut pas dire c'est aussi réel, mais d'une autre nature, comme l'air. L'air est très réel, l'air. De l'air à 2 km à l'heure, c'est pas fort, mais de l'air à 200-300 km à l'heure, vous tenez pas debout. Et vos cheveux non plus. J'ai expérimenté un... En tout cas, bon, on passe là-dessus, mais... J'ai avancé un voilier, c'est de l'impalpable. Mais le problème de l'imaginaire... les gens, on va dire, plus terre à terre, qui voient un problème dans l'imagination, c'est parce qu'il y a des gens qui vont se réfugier là-dedans et puis ne peuvent plus vivre parce qu'ils sont dans un autre monde. Exact. Et puis, ils sont pas capables de... Certains se réfugient dans la matière, dans l'argent, dans le travail, ouais, dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Mais nous, on va rejeter l'imaginaire et on va conserver la matière comme étant réelle. Et toute la matière que nous avons est née de l'imaginaire. Nous avons imaginé, nous avons pensé, nous avons visualisé et nous avons créé. Parce que j'ai l'impression qu'on peut mieux vivre dans la matière que dans l'imaginaire. Alors que tous tes problèmes, en majorité, viennent se vivre dans l'imaginaire et viennent de l'imaginaire. Ta peur, tes angoisses, tes jalousies, tes craintes, vos problèmes viennent de où? Justement, on va dire... De l'imaginaire. Et pourquoi il ne faut pas les filer dans l'imaginaire? Pour ne pas avoir de problème, parce que justement, c'est non, des problèmes. Non, parce que le monstre, la bébite, ce qui te tue, ce qui te démange, ça vit là-dedans. Ça ne veut pas que tu ailles le voir. Bon, mais on pourra revenir là-dessus. C'est des choses qu'on parle plus en séminaire, mais c'est ce qui arrive. L'humain, souvent, il cherche à l'intérieur de lui. Vous avez à l'intérieur de vous des leviers pour qu'on vous charise, pour qu'on vous manipule. Mais même si vous vous changez complètement, c'est pas ça qu'il faut faire. On peut muter, là, mais il y a du monde à brosser aussi en haut. Ce qu'il faut comprendre au niveau de l'imaginaire, c'est un monde qui est tellement rejeté par l'adulte que quand l'enfant est relié à ce monde-là un peu plus, puis l'enfant arrive à être heureux, à s'amuser, à avoir du plaisir, on essaie de le débrancher. Et la vie n'est pas rose, branche-toi dans l'imaginaire, mais là où c'est pas rose. Il ne reste pas dans l'imaginaire où c'est plaisant. Là. Moi, bon, va voir quelqu'un qui est à Montréal, demande-lui, comment tu trouves ça? Es-tu heureux à l'intérieur de toi? Là, tu te dis, oui, je trouve branché à l'imaginaire, moi, je suis heureux. On le met en psychiatrie. L'autre qui dit, non, tabarnak, quand tu vas à la place ici, c'est dangereux pour le monde. Il est branché à l'imaginaire, lui aussi. Là, on laisse la circulation, on dit, bon, v'là, gars, OK, c'est terre à terre. Mais, c'est la même maudite bebelle. Sauf que le gars n'est pas branché de façon à s'en sortir. Alors, on ne le guérira pas. Il est branché de façon à rester pogné. Il est normal. On va le laisser là. N'importe quelle personne qui semble un petit peu flottant. C'est pour ça que... L'imaginaire, c'est un monde, et c'est un monde extraordinaire. C'est un monde qui n'a pas le même effet, évidemment, sur la matière. La nuance et les dangers de l'imaginaire, c'est que vous pouvez voyager dans le monde dans l'imaginaire, dans le monde astral, dans la pensée. Vous pouvez voyager là-dedans tellement facilement que vous n'avez jamais... En plus, on ne vous a jamais appris à conduire là-dedans. Et c'est tellement facile. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de règlement. Quand vous rentrez là-dedans, vous voulez prendre des virages, vous arrivez, vous continuez tout droit. Faites du coq à l'âne. Alors, il arrive ceci. Il arrive que quand un être humain va aller fouiller là-dedans, c'est comme s'il rentre dans une bibliothèque où toutes les pages de tous les livres ont été arrachées et lancées dans la bibliothèque. Personne ne rentre là-dedans, là, puis elle commence à lire une affaire, puis elle continue avec un livre de recettes. Pour aimer l'humain, il faut le couper en 8 et le faire cuire. Et là, la personne se dit... La personne a commencé avec la Bible, là, avec un livre religieux. Ça finit avec « Faut le couper en 8, faire cuire ». C'est Dieu qui m'ordonne d'aller couper ma femme. Et c'est ce qui se passe. Une autre personne... C'est exactement ce qui arrive. Une autre personne va avoir la faculté de lire ce qui est en haut. C'est écrit « Principe de philosophie » ou « Principe de mécanique avancée ». Et quand il prend un livre, il peut écrire ça, je rejette la page. Hop, principe de mécanique avancée, page 28, tout à l'heure, il y a eu la page 47, lentement, il replace les choses. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à naviguer dans l'imaginaire. Mais par rapport à 91, est-ce qu'il y a eu... est-ce que c'est plus facile d'être dans l'imaginaire heureux, ou y a-tu eu quelque chose par rapport à ça? Bon. Il arrive simplement que l'être humain, au fur et à mesure de son écœurement, les gens appellent ça la vie, bon. L'être humain, au fur et à mesure de sa vie, et je parle de l'histoire humaine, ou de l'histoire que vous connaissez et l'histoire que vous ne connaissez pas, la majorité des êtres humains est une insulte à leur intelligence. On s'en contente, on le tolère, on s'y habitue. C'est pas ça. C'est pas ça. On prie, finalement, c'est pas ça non plus. Bon, on vole, on profite de la matière, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas ça non plus. On aide, on fait du bénévolat, on s'en fait faire, c'est pas ça non plus. Et finalement, c'est pas ça. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui, et ça, c'est la dissonance cognitive humaine, moins ça marche, plus tu y crois. Et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas des religions, des organismes sociaux, des organismes politiques. Plus un politicien est menteur, plus il y a de chances d'être élu. Tout le monde le sait, tout le monde vote pour lui. C'est la nature humaine. Comme je dis souvent aux séminaristes, par exemple, vous voulez manger mieux pour la santé, vous arrivez à l'épicerie, et puis là, vous voyez des cochonneries, puis là, je n'achète-tu pas. Voulez-vous être en santé? Oui, achetez-en pas. Moi, je sais bien, mais d'abord, vous ne voulez pas être en santé. Achetez-en donc. Cessez de lutter. L'humain est bâti pour être toujours en déchirure. Tout le temps. C'est essentiel. Même les religions vont le dire. Tu as le nez barbite, mais trompe-toi pas. Fait que là, tu dis, qu'est-ce qu'il faut que je sache pour pas me tromper? Ah! Faut être une foi aveugle. Ouais, mais si je me trompe en ayant une foi aveugle avec toi, parce que l'autre là-bas, il dit que c'est avec lui. Ah! Tu le sais. Mais trompe-toi pas. Dieu est infiniment bon. Mais trompe-toi pas. Toute la structure humaine est basée là-dessus. Tout. Dans les religions, dans la politique, dans la société, partout. Tout le temps. Quand l'humain comprend plus grand, quand l'humain est capable d'accepter finalement, quand il est grand, quand vous allez être capable d'admettre des réalités chez vous, ces réalités-là nécessairement bouleversent votre vie. Vont bouleverser votre monde. Mais il faut le bouleverser, le monde, à un moment donné, si on veut arriver à changer de monde, si on veut arriver à être différent à l'intérieur, à être mieux, si possible, même changer carrément de monde. Il faut le bouleverser, c'est-à-dire qu'il faut cesser de voir les choses qui ne nous appartiennent pas comme étant nôtres. Il faut cesser de rejeter ce qui est nous comme étant pas nous autres. Par exemple, on vous donne un compliment. Et que madame, vous êtes belle. Et la personne répond, ben oui, on n'a pas plus qu'un autre. Elle rejette le compliment. Bon. Et si on lui dit, « Vous êtes stupide », ça peut rester 2-3 mois pogné avec ça. Ça va le prendre, par exemple. Bon. Mais c'est normal, c'est l'humain. Bon. Mais quelque part à l'intérieur de plusieurs humains, ça ne veut plus. C'est écœuré, ça ne marche plus. Sauf que l'humain, pour arriver à bouger à travers ces mécaniques-là, doit comprendre un peu plus ce que c'est que la mécanique du temps. Si on parle de 1994 au niveau temporel, on va parler d'un Phénomène temporel pivot 91, aller jusqu'à 97. Les chiffres sont là uniquement comme référence. Parce que si on fait l'analyse des chiffres, ben on leur fait dire ce qu'on veut. Bon. Parce qu'on est en 1994 à partir de la création. Non, à partir de la naissance du Christ. Ah ben il est né Satan. Non, à partir de l'an zéro. Ah ok, l'an zéro des bouddhistes. Non, l'an zéro des chrétiens. Fait que notre numérologie ne sert à rien d'autre qu'à nous donner ce que l'on veut. Voulez-vous une mauvaise année? On va faire l'addition de 1993, on va vous la mettre mauvaise. Voulez-vous une bonne année? On va faire les mêmes maudites additions, on va vous la mettre bonne. Mais connaissant justement ce que tu expliquais tout à l'heure à partir de l'utopisation, si on veut y aller de façon positive ou utopique, on peut faire la numérologie pareil, mais s'en aller dans quelque chose, puis ça va nous supporter. Non, tant qu'on comprend de la mécanique, c'est pas de la numérologie, c'est pas assez. Non, mais c'est un départ. C'est partir sur quelque chose de plus solide. Non, ah, mais je suis parce que ouais. Ça a sûrement des effets. C'est comme lancer une navette spatiale à partir d'être en pleine piscine. Ça a des chances de ne pas marcher. Bon. 91, 97, 94. Juste au centre, 94, c'est un adlon. Je peux compter, mais en tout cas, c'est beau. C'est ça. Ça fait ésotérique un peu, c'est ça, ça a l'air. En tout cas, si c'est au centre, ça veut dire qu'il était à cause de l'air. Parce qu'il n'est pas de passer, hein? Bon. Il y a des vents. Et c'est évident que pour communiquer des choses qui sont bannies du vouloir de conscience de l'être humain, bannies par la religion, non, interdites souvent par la religion, bannies ou interdites souvent par la psychologie, bannies et interdites par la philosophie, parce que ça aiderait trop l'humain. On va dire à quelqu'un, par exemple, dis-lui pas ça, tu vas te le mélanger. C'est vrai. Dis-lui pas que la drogue peut être mauvaise pour ta santé, qu'il va te mélanger, ça ne va pas s'il se drogue ou pas. Tu sais, pas dire non pas qu'il continue à se droguer, tu veux, pendant qu'il se drogue, il ne fait rien d'autre. Il ne fait rien de mal. On doit nécessairement accepter d'aller chercher de nouvelles informations, puis de se faire brasser un petit peu pour se réveiller. Parce que quelque part, vous devez admettre que, bordel, vous êtes là. Ben, ils ne s'en tireront pas. Ils vous ont mis là, il faut que quelqu'un vienne répondre à quelque chose. Il faut se réveiller. Et chaque fois que l'humain essaie de se réveiller, on vient le punir. On vient lui expliquer. Vous commencez à vous conscientiser, c'est votre entourage qui va commencer à planter ou à vous planter. Vous allez perdre votre emploi, va se passer ceci, va se passer cela. Si ça va bien, ça va bien un bout de temps. Faites-vous en pas. Il y a des dictons très humains qui disent, après les fleurs, vient le pot. Puis il y en a qui sont très, très philosophes, ils s'achètent le pot eux-mêmes. Ils ont fait choisir leur pot. Il y a un gars qui vendait des verres de terre à un moment donné. C'est ce qu'il disait, bien choisir vos verres avant qu'ils ne vous choisissent. Le monde a choisi. Et puis, ce qui est important, donc, vers 1991, pour un paquet de raisons, d'ordre révolutionnaire, d'ordre conscientisatif, d'état temporel, de phénomènes telluriques. Il y a toute une panoplie de mécaniques qui font en sorte que les choses arrivent dans certains temps. Par exemple, quand l'être humain a commencé à envisager sérieusement d'envoyer un vaisseau en orbite, il a commencé à y penser, et quelques années après, il avait la technologie. S'il y avait pensé 50 ans avant, il y aurait pensé pour rien. Et je ne parle pas de ceux qui ont parlé de leur passé, de leur futur. Je ne parle pas de Jules Verne ou de d'autres. Je parle des savants. À chaque fois que l'humanité a été prête à une innovation, les choses étaient là pour l'innovation. Dans la cité de Sète, un roman que j'ai écrit qui parle un peu de choses, enfin une vision, disons, différente du passé, présent, futur. Dans la cité de Sète, à un moment donné, il y a un dinosaure qui attaque une jeune fille qui est sur un Struthiomimus avec une autre. Un Struthiomimus, c'est un dinosaure autruche. Bon. Et le dinosaure arrive et la jeune fille, qui s'appelle Tammy, dit à l'autre, oh, faites-en pas, c'est un séismosaure. Bon, non, c'est pour ça qu'elle lui dit, merde, c'est un séismosaure. L'autre a dit, oui, mais c'est comme un brontosaure. Elle dit, oui, c'est herbivore, mais c'est un caractère de chien. Et le séismosaure essaie de les attaquer. Le livre est sorti il y a plusieurs années. Et on a parlé seulement maintenant du séismosaure. Il y a des façons de savoir exactement les noms, les situations, les ceci, les cela, de ce que l'humain appelle le futur, parce que le futur est une chose qui existe maintenant. Et le passé est une chose qui existe maintenant. Avec maintenant, je peux voyager dans le passé. Le passé, ce n'est pas quelque chose de mort. C'est vivant. Et parce que c'est vivant, c'est muable. C'est changeable. Et il faut que l'humain comprenne qu'il n'a pas qu'à travailler pour changer le futur. Il ne peut pas changer le futur s'il est aligné vers un futur potentiel X. Parce que votre passé vous maintient comme une longue perche, vous essayez, vous, de courber un peu votre futur pour aller ailleurs, vous devez prendre la perche, la mettre ailleurs, pour vous aligner vers votre futur. Et ça, l'humain jamais ne fait ça. Rappelez-vous simplement, quand vous étiez plus jeune, toutes les belles choses que vous avez faites, toutes les bonnes choses que vous avez faites. Puis rappelez-vous, allez voir. Il y a des gens qui sont conçus pour se rappeler des mauvaises choses ou pour douter qu'ils ont fait des bonnes choses. Ou pour s'excuser de les avoir fait. Ah oui, mais là, c'est sûr, c'est bon. Mais si vous faites le travail sérieusement, positivisez le passé, lentement, vous allez commencer à sentir une fraîcheur venir chez vous. Pourquoi? Simplement parce que vous allez commencer à vous aimer. Vous allez aimer la personne que vous regardez. Ça, c'est vous. Puis nécessairement, en braquant vers le futur, ça va vous ouvrir des horizons qui étaient inaccessibles avant. Des horizons qui sont émotifs, psychologiques, temporels, spatials, événementiels, de vrais horizons. 91, 97, toute la turbulence dans le monde astral. Le monde astral, c'est ce qu'on respire, c'est l'atmosphère, c'est la Terre, c'est la matière. C'est son système énergétique atomique qui mémorise, comme les mémoires photoniques qu'on appelle photographie, comme les mémoires électroniques, magnétiques, bon, les enregistrements, etc. La matière mémorise aussi. L'idée, c'est qu'il faut avoir le bon appareil pour écouter la matière. Notre corps astral, notre psychologie est un appareil intéressant pour écouter, pour voir, pour entendre, pour sentir ce qui s'est passé. En réalité, ce qui se passe actuellement dans la mémoire de la matière. Dans l'astral, il y a là un remue-ménage épouvantable depuis tout le temps. C'est-à-dire que sans arrêt, ça brasse là-dedans. Les religions sont en guerre les unes les autres, les divinités sont en guerre les unes les autres, les nations, tous les égrégores, tout ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et tout ça fait en sorte que l'être humain sur la planète Terre revive sans arrêt les mêmes choses. Ce sont des rituels, des habitudes historiques sociales pour faire en sorte que l'humain répète les mêmes gestes, qui entretiennent la mémoire, donc qui permettent à ces mémoires-là de vivre. Ça nourrit les mémoires. Nécessairement, tout changement d'un rituel, d'une habitude, va vous être interdit. Vous voulez juste cesser de manger du beurre d'arachide le matin, ça va être difficile. Mais cesser de fumer, ça va être difficile. Essayer de crier, n'importe quoi. Les religions sont ritualisées, les gouvernements sont ritualisés, tout est ritualisé dans le but d'amener une alimentation. L'humain sert d'alimenteur. Quand vous alimentez plus, on vous menace. Et quand vous alimentez plus, souvent on vous élimine. Vous êtes chrétien, vous alimentez un égrégore particulier. Vous devenez témoin de Jéhovah, on vous baptise immédiatement pour vous déconnecter à l'égrégore chrétien. Vous devez nourrir l'égrégore de Jéhovah. Vous rentrez chez les Krishna, on vous baptise immédiatement. Vous coupez de l'égrégore de Jéhovah. Puis l'Église catholique a mis sur votre baptistère Joseph pour la majorité des hommes, Marie pour les femmes, de façon à ce que quel que soit le nom que vous preniez, qui normalement doit être un nom traditionnel, Daniel, ben que vous soyez connecté de toute façon à la bonne place. Ça fait partie des stratégies. Sauf que le vent, tout ce vent, cette folie furieuse, elle est, de temps en temps, perturbée d'une façon phénoménale par de l'intelligence. Dans le passé, on appelait ça de l'Esprit Saint. À un moment donné, dans le passé, on appelait ça, dans un autre langage, une correspondance avec intelligence active. Une intelligence qui ne dépend pas de la connaissance de l'homme, de la femme ou de l'enfant, une intelligence qui ne dépend pas de sa mémoire. Une intelligence qui semble donner à l'être humain tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Et on appelait ça aussi énergie supramentale ou intelligence supramentale, etc., dans d'autres dialectes. Chaque fois que ce phénomène-là se produit, ça brasse. Chaque fois que ça brasse, ça crée une stabilité temporaire dans l'astral, et cette stabilité-là, elle peut être utilisée par les êtres qui sont sensibles à l'intelligence. Et ce que ça veut dire qu'il vient un moment donné où vous êtes toute votre vie dans un tourbillon de mémoire, d'habitude, un grand tourbillon, et quand vous essayez de changer, de vous en sortir, la force centrifuge du tourbillon vous en empêche. 91 à 97, l'intervention, la descente, l'amener, plus comme vous voudrez, la présence de ce phénomène énergétique, fait en sorte qu'il y a une stabilité qui va se créer, un contrebalancement temporaire, et les individus sensibles à l'intelligence peuvent se servir de l'occasion pour aligner un passé, aligner un futur, puis changer de mode de vie. 91, c'était sensible. Vous pouvez le percevoir. 92, 93, 94, très, très, très évident, très sensible. On peut changer des choses. Et je ne parle pas de quitter une habitude ou deux. Non, non, je vous parle d'amener la vie à être au moins à la hauteur de votre intelligence. Et non, c'est de vivre dans un monde qui finalement se heurte continuellement à votre intelligence et qui donc doit vous obliger sans arrêt à perdre vos énergies, à essayer d'atténuer l'intelligence pour découvrir que c'est normal ce qui se passe. Stupide ce qui se passe. L'être humain peut, en 94, comme il pouvait, mais il peut plus facilement en 94, se servir de certaines formes de compréhension pour bifurquer. 94, ça réserve, évidemment, ça réserve quoi à l'humanité? Plein de choses. Tu ne me trompes pas. Bon. Sauf que ce qui s'est passé en 94 pour les êtres humains intelligents, il s'est passé en 94, je poursuis en 95, 96, je poursuis après. Il s'est passé en 94 que plusieurs êtres humains sont entrés en contact plus intime avec eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui, en 94, se sont rencontrés. Quand je parle rencontrer, c'est pas juste intérieurement, c'est pas dans l'imaginaire. Les gens se sont rencontrés physiquement. Est-ce qu'ils savent qu'ils se sont rencontrés? 94, ceux qui se sont... Où le contact se fait, mais... La majorité le savent, puis la grande majorité le savent, et la majorité le savent, mais ils ne sont pas certains. Quand tu parles physiquement, là, est-ce que de sentir que quelque chose de différent t'habite, c'est physique, ça? Est-ce que c'est, oui. Tu considères ça bon. Quelque chose comme ça? Il faut comprendre, parce que nous réserve 94, premièrement, un, moi je déteste les prophètes. Deux, en ce qui me concerne, tous les prophètes, tout ce qu'ils ont prophétisé ne me concerne pas. Ça ne concerne pas un bon grand nombre d'individus. On n'en a rien à faire de leur apocalypse et de leurs affaires. L'être humain, on est ici, 1994, les futurs, il y en a plein. Il y a un savant qui un jour a dit, tu le connais de son nom, commence par L, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais, trop tard. Alors, d'où viennent les visions que nous avons du futur, si rien ne se crée? Et qu'est-il arrivé du passé si rien ne se perd? Et là, on va dire, ah oui, mais il parlait de la matière. Imaginez simplement que votre imaginaire, c'est quelque chose qui est là. C'est tellement puissant que c'est capable d'habiter de la matière et de l'animer. C'est capable d'accélérer votre cœur. Contrôlez-vous votre cœur à volonté? Non. Fermez les yeux, imaginez quelque chose qui vous fait peur, il va accélérer. Vous pouvez donc, par un chemin émotif, contrôler le cœur, pas par le chemin de la volonté ou du mental. Le mental n'est pas relié au système endocrinien. Alors, mentalement, je l'accélère, ça ne fonctionnera pas. Votre ego, votre émotivité est reliée au système endocrinien. Vous imaginez des choses, par réaction, il va par la glande hypophyse, par la glande pituitaire, etc., il va sécréter des endorphines, des catécholamines, pardon, qui va accélérer votre cœur, etc. Vous contrôler, mais en passant par les bonnes voies. Sauf qu'on va expliquer à l'humain que c'est sa volonté qui doit contrôler, pas le corps physique. J'ai rencontré un individu à un moment donné qui était paradisié. Il était tellement centré chez lui, vraiment bien. Alors on pouvait lui donner une claque dans le visage. Paf! Il faisait paf! C'était bien. Fait que là, moi, je voulais que c'est un peu mieux. Allez, paf! Puis là, c'était bien. En tout cas, au bout d'une heure, moi, je n'étais pas bien, avant la main. Il se passe quoi? Il se passe que l'individu, il est tellement haut qu'il ne peut plus vivre efficacement dans un corps de chair sur une planète prédatorielle. Il ne peut plus. Donc, il est à la merci de n'importe quel prédateur. L'être humain centré va être capable de vivre très haut et de vivre très bas et d'être capable d'être totalement efficace. Quand on parle de l'efficacité de l'humain, quand on parle de conscience, quand on parle de déplacement, ce qu'il faut que l'humain comprenne, ce qu'il faut que les gens comprennent, l'imaginaire, c'est quelque chose qui a la capacité de venir vous habiter, vous dormez avec l'imaginaire. Présentement, c'est l'imaginaire qui m'écoute. Vous rêvez avec l'imaginaire. Vous avez peur avec l'imaginaire. Vos corps physiques et la matière, c'est plus important que tout ça. C'est plus important que l'imaginaire. Mais vous n'êtes que quoi? Vous n'êtes pas des corps de chair et des cellules, c'est pour ça que vous êtes. Ça change, ça change, ça change. Ça va mourir. Ça n'a même pas peur de mourir, les corps physiques, c'est ce qui est dedans. Puis ce dedans-là, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, on le repousse. Parce que l'imaginaire, c'est con. C'est pas bon. On devrait tous s'en aller en Haïti devenir des zombies. Il n'y a plus d'imaginaire là-dedans. Il reste rien que le corps physique. Puis les sorciers qui sont imaginaires, ils vous contrôlent. Bon. On doit comprendre qu'il y a autre chose et que ce que l'on perçoit de temps en temps, même si ce n'est pas ça, ça fait partie des voies, des chemins, pour arriver à nous permettre de conscientiser l'entourage. On ajustera nos concepts, nos théories en s'en allant. Il faut s'ouvrir. L'être humain doit comprendre ceci. Parle d'imaginaire, un futur, deux futurs, trois futurs, quatre futurs. Mais quel est votre futur? À partir de 1994, l'humain a de grandes chances de pouvoir travailler dans le but de bifurquer. Il faudra qu'il comprenne progressivement la mécanique de bifurcation au niveau de ses antécédents. Et l'humain peut bifurquer sa vision, bifurquer dans sa vie vers un futur qui va apparaître plus dense, 95, 96, 97, 98, mais qui va faire en sorte de lui permettre de contourner des situations futuristes, futurales, qui ne sont pas jolies et qui ont une tendance à attirer l'humain. L'humain va vers les catastrophes, il aime ça. Mais on n'a pas de futur attribué. On se choisit un futur qui nous plaît. Puis non. Mais c'est quoi d'abord? Premièrement, ce sont les futurs qui vous choisissent. Donc, nous devrions travailler pour aller vers un futur qui nous plaît. Tant qu'à se faire attirer. Non, mais je parle, moi, de la démarche à faire. Oui. Mais juste pourquoi les futurs vous choisissent? Mais ça... OK. C'est la même chose que les réincarnations du passé. On ne les choisit pas, ils viennent à cause de l'état dans lequel tu vis. Regardez, ce soir-là, c'est sûr qu'on a une heure, c'est gros. Hein? J'aurais peut-être dû en donner juste un centième, mais en tout cas, on est parti. Mais le futur vous amène. En Bosnie, à un moment donné, Tchécoslovaquie, il y a une madame qui expliquait à un gars de la radio, le voisin à côté, hein, ça fait 35 ans qu'on se connaît, on a toujours vécu en paix, toujours été en paix. Là, il est dans la montagne avec des armes, puis il nous tire dessus. Puis mon fils, il est dans l'autre montagne, puis il tire dessus. Mais Personne ne veut ça. Et si on va interviewer l'autre là-bas, il est là avec sa main fusil. Mais non! Est-ce que vous êtes déjà engueulé avec la madame? Non! Elle est même venue accoucher mon petit-fils. Non, elle est même venue, tu sais, non! Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une mécanique qui engouffre le monde. Dedans. Les gens ne veulent pas être dedans. Ils sont tous dedans. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un événement qu'on appelle la guerre des tranchées. On pensait d'ailleurs trancher, mais ça n'a rien fait. L'équipement militaire est devenu tellement équitable que les deux camps ont cessé d'avancer. Ils ne peuvent plus se battre. Faites des tranchées, ils sont restés dedans, des mois et des mois dans l'eau. Tout le monde là-dedans, et il y avait des gangrènes, bon, c'était pénible, extrêmement effarant. Personne ne veut être là. Ils sont tous là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une madame qui s'en vient sur l'autoroute 15, elle descend à Montréal. Il y a une automobile qui traverse l'accotement, qui rentre dedans et qui la tue. Engouffrée dans un avenir. Là, on va dire, ben oui, mais c'est parce qu'elle avait juste à engouffrer. Maintenant, en 1994, il y a un moyen de ne plus se faire engouffrer par un avenir qui nous déplaît. Non, il y a moyen de se réveiller, il y a effectivement moyen de bouger, de changer carrément de structure de vie. Il y a moyen. Et le moyen, c'est pas un truc miraculeux, c'est pas que tu t'as tout... Bon, puis là, ça y est, crème, ma femme est plus belle, bon... C'est pas ça. Tu vois, elle va devenir plus beau. Puis ça, pour plusieurs, vous allez voir que... C'est un choc. C'est un miracle, bon. Ça commence par quoi? Deux, trois exemples, tu dis, bon, je sors de la conférence, là, j'ai compris que faut que je déplace mon passé, ça va m'orienter vers un futur différent. Tu commences par quoi, là? Bon, il faut commencer par comprendre. Oh oui, c'est déjà une chose, c'est bon. Tu comprends? Une fois que tu as compris... Oui. Oh ouais, une fois que tu as compris, on y arrivera quand vous aurez compris. On est à 95, non? C'est quoi votre avenir? Vous voulez quoi en 94? Il y a des personnes qui m'ont dit, ben moi, j'aimerais faire au moins un voyage. Moi, c'est pas de ça que je parle. Okay? C'est vraiment pas de ça que je parle. J'aimerais gagner la loterie. J'aimerais avoir moins mal à mes articulations. T'sais, moi, tant qu'à choisir, je dirais, j'aimerais être jeune, être immortel. C'est comme le gars qui a trois vœux à faire. Moi, mon premier vœu, c'est je veux avoir tes capacités. Je peux avoir besoin de toi. C'est mon premier vœu. Les deux autres, on verra plus tard, là. Maintenant que je peux faire les vœux que je veux, tu sais, les deux autres vœux, on verra plus tard. L'affaire, c'est pour que tu fasses aux autres, les vœux. Tu fasses aux autres, les vœux, c'est ça, la pogne. Non. Ben, mon deuxième vœu, ça sera que j'ai fait pour moi, tu sais. Ça, la pointe, il m'en reste encore un. Il faut dire que les génies ont jamais rencontré des teflons parce qu'ils se réfèrent vraiment à ça que le vœu. Mon premier vœu, c'est mon esclave à vie. Mon deuxième vœu, j'ai des milliards de vœux. Mon troisième, tu sais, minimum. Il y a plein de façons, là. Il est fait que le génie est obligé, là, pas de problème. Non, c'était pas ça, tu sais. En tout cas, parlez-moi-en de l'humain. Bon. Non, mais c'était... Okay. C'est parce qu'il rencontrait des gens raisonnables. Ah, certain, oui. En tout cas, sans imagination. Ah oui, c'est ça. Le fait qu'il y ait le génie qui dit, chaque fois que vous demandez quelque chose, votre mari, madame, il y a le double. Et la femme a dit, ben donnez-moi 1 million. Pouf! Le bonhomme, lui, pouf, 2 millions, reparaît. Donnez-moi une grosse maison. Pouf, la maison paraît. Le bonhomme, grosse maison. La femme a dit après ça, faites-moi à moitié mourir de peur. OK, on continue. Bon. On revient. Elle va faire ça si elle rencontre Julie. OK. Votre avenir, c'est quoi? Avez-vous déjà, quand vous étiez jeune, probablement que vous avez goûté des futurs. Et là, on vous disait, ben, tu veux changer le monde. Hein? Moi aussi, quand j'avais ton âge, je pensais ça. Moi, il y a déjà un bonhomme qui m'a dit ça, puis je devais avoir 8-9 ans. Ah ouais, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'ai déjà pensé ça, tu sais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, tu fous. Je la regarde de faire, puis je me pivais sans fâter en plus. Moi, ça n'a jamais changé mon affaire, évidemment. Je ne veux pas changer mon futur. Justement, je ne veux pas le changer. Bon. Mais dans lui, il comprenait que je voulais le changer. Mon futur n'est pas le sien. Votre avenir, qu'est-ce que c'est? Là, je ne parle pas d'avenir. Je dis souvent aux séminaristes, on doit envisager sa vie sur les 400 ou 500 prochaines années. L'être humain qui envisage sa vie sur les 25, sur les 2 prochaines années, sur les 2 prochains mois, imaginez, c'est bien autre chose. Puis la personne, ce qui arrive dans les gens qui se conscientisent, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par douter de tout sauf du doute. Alors, même s'ils perçoivent des choses, ils doutent. Perçoivent, ils doutent. Et dernièrement, j'expliquais une conférence réservée que l'être humain a des carburants pour fonctionner, puis quand il se conscientise, il finit par rejeter tous les carburants de l'ère ancienne, puis il refuse les carburants de l'ère nouvelle, puis là, ben là, il est pris dans un mouvement stagnant complexe. On doit accepter des carburants. L'amitié est un carburant, l'affection est un carburant. Des carburants! Ah, oh, voyons, non, c'est pour le monde! Mais non! C'est pour l'être humain intelligent. L'être humain intelligent, l'être humain qui va vers des futurs qui ont de l'allure, est un être humain qui sait rire, est un être humain qui sait s'amuser, est un être humain qui est affectueux, pas têteux, affectueux. Différence. C'est l'être humain qui peut pleurer, il ne broille pas. Nuance. C'est l'être humain qui est désinhibé, il n'est pas libéré, désinhibé, il est bien. C'est l'être humain qui ne croit pas, c'est l'être humain qui ne doute pas. Différent. Il n'a pas confiance. Ah! Il ne doute pas de. C'est pas pareil. Il est subtil. Vos futurs, qu'est-ce qu'ils sont? Et à un moment donné, à rendu un certain âge, pense pas trop. Mais vous avez de l'intelligence. Vous avez des visions. Et ce qui arrive souvent, c'est que vous vous fermez à vos visions parce que vos visions ne semblent pas cohérentes avec. En tout cas, avec la possibilité d'être heureux, heureuse dans un monde comme le nôtre. C'est trop beau pour être vrai. C'est ce que certains vont dire, ou encore, quand tu vois un peu mieux, tu vois la laideur, alors tu ne veux pas voir un peu mieux de façon à être correct. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez fonctionner. Et je parle de changements radicaux. Pas déjà. 94, c'est une année, de toute façon, moi je fais des conférences toute l'année, on va brasser. C'est une année où les gens qui veulent modifier leur passé peuvent le faire plus facilement. Et nécessairement des gens qui veulent modifier leur futur, mais ce qui est important, c'est de modifier le futur en tant que saveur. On vous explique ça rapidement. La saveur, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que... Non, moins... Je veux pas avoir une meilleure job. Je veux être bien. Être bien, c'est une saveur. Je veux être bien avec, par exemple, des êtres humains qui me rendent bien, qui sont intelligents. Bon, oh, mais elle est blonde. Non, ça, c'est pas une saveur. Et la saveur. Ou à quoi ça va ressembler un monde bien? Un monde où tu vas être bien. Il y aura peut-être des maisons, il n'y aura peut-être pas de maisons, mais tu vas être bien. C'est la saveur qu'on doit envisager. 94, c'est quelle est la saveur que vous voulez donner à l'année 94? Les personnes qui ont de l'intelligence vont pouvoir changer radicalement leur vie d'une saveur à une autre. La matière, elle va lentement s'adapter à votre saveur si vous continuez. C'est sûr qu'une heure, on y a une heure, c'est une heure. En tout cas, prochaine conférence, on parle, on va jeter un œil sur le futur, on va revenir un petit peu là-dessus. On fait une petite pause temporelle.